comme vous êtes en train d'expliquer, quelles conséquences en tirent-ils? Quel est l'impact que cela peut avoir dans leur vie? Ils sont dans un milieu où, comme le dit cette sœur Léopoldine, exactement, et il y a des paroles qu'on déclare qui ressemblent à ce que Dieu a dit, mais qui ne vient véritablement pas de Dieu. Mmh. Quel est l'impact que ça peut avoir? Ok, sur le plan individuel, c'est-à-dire à une échelle réduite, la personne qui est source de cet esprit de divination, quand il parle de source, ça veut dire que la personne en qui l'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure là, oui, cet esprit là, quand quelqu'un se livre à l'art divinatoire, il est habité par un esprit. Oui. Donc quand la personne qui est source de cet esprit de divination est totalement contrôlée par Satan, il est entièrement possédé par Satan, il n'a plus de liberté de contrôler sa propre volonté. Maintenant, celui qui écoute ce divin, comme cette sœur en train de parler, livre sa vie entre les mains du diable. Ainsi, Satan l'utilise comme point de repère, comme point de contact pour recruter des gens dans son royaume, oui, dans son royaume infernal. Voilà pourquoi celui qui visite un diseur de bonne aventure témoignera à d'autres personnes de l'efficacité de ces marabouts, amènera ainsi les gens en enfer. Oui. Cette personne travaille de façon inconsciente pour Satan. Et de plus, il est déjà égaré lui-même. Satan l'utilise pour égarer sa famille et toute personne liée à lui. Voilà qui est vraiment dangereux de se fier au divin. Tu deviendras un évangéliste de Satan sans salaire, parce que Dieu lui l'a dit à nous qui évangélisons, que nous vivons par l'évangélisation, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Alors quelqu'un devient, en collaborant avec le divin comme ça, il devient recruté là-bas sans salaire. Donc franchement, les conséquences sont multiples. Il y a la stérilité, les couches de nuit, le voyage nocturne, ceux qui mangent dans la nuit particulièrement, les cauchemars, les crises de folie, la sexualité non contrôlée, c'est-à-dire que les gens se livrent à la débauche parce qu'ils ont des démons qui les ont possédés. La haine et les divorces. Donc la grande partie des haines et des divorces qui sont causées maintenant sont causées par la suite de ce que dans la famille, quelqu'un a invité un divin ou bien quelqu'un a eu à visiter des divins. Il y a aussi la peur constante et permanente de la mort, les hallucinations et les visions démoniaques, les suicides en cascade et les morts atroces. Donc, sur un plan plus, ça c'était pour le cas d'un individu qui visite un divin. Qui est soumis à l'influence d'un divin. Mais maintenant, je vais prendre maintenant sur un plan que global. Que ce soit de manière directe ou indirecte. De manière directe ou indirecte. Parce qu'en fait, si nous prenons comme représentation, quand Adam est allé a péché dans le jardin, nous tous nous étions en lui. Et les conséquences nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Maintenant, sur un plan plus large. Allez-y. Quand un pays est lié à la pratique divinatoire, par exemple, si le chef de l'État s'y livre, s'entoure des magiciens et des divins, comme on a vu dans le cas de Daniel chapitre 2 avec Nebuchadnezzar. Les sanctions divines pleuvent dans ces pays, les guerres, les catastrophes naturelles, les accidents, les famines, les maladies. Voilà pourquoi en Haïti, par exemple, la violence et la pauvreté en ont été le lot, parce que le pays avait été voué à Satan pour un pacte pour 100 ans. Les 100 ans se sont achevés en 1993. Heureusement, les chrétiens se sont levés pour prier afin qu'il ne soit plus renouvelé. Un an plus tard, sous la pression des États-Unis, la junte militaire était contrainte de démissionner. Lisons par exemple le livre de Deutéronome au chapitre 18. Allez-y, allez-y pour nous. 33 07 56 32, 33 07 56 32, vous allez le faire et puis nous allons revenir sur cette préoccupation. 94 11 94 27, 94 11 94 27, allez-y évangéliste. Alors donc, dans ce Deutéronome chapitre 18, le verset 10, en commençant par le verset 18, il dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, oui, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui dit ou qui disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts, c'est terrible. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Et maintenant, voici dans le verset, comme j'ai pris le cas de Haïti tout à l'heure, oui, pour que notre pays ne tombe pas dans ces choses, la Bible déclare, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Il dit maintenant, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc, il ressort clairement que quand on se livre à l'échelle, à une grande échelle, c'est-à-dire quand le chef de l'État, celui qui incarne le pouvoir du pays, se livre dans les actes de magie, de sorcellerie, ainsi, directement, il soumet la puissance le pays sous la puissance démoniaque. Voilà pourquoi, si on prend le cas d'Ésaïe, par exemple, dans les années 60, l'Ésaïe était considéré comme... Permettez-nous de prendre ce coup de fil d'évangéliste. Oui. Allô, bon après-midi. Allô? Oui, allô, bon après-midi. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Oui, bonsoir. Je vous appelle comment? Moi, c'est Madame Nassra. Voilà, éloignez-vous complètement, je vous en supplie, de votre poste récepteur. Éloignez-vous. Oui, je voudrais poser une question au pasteur. Allez-y, Madame Nanfan. Oui, bon, j'ai une petite sœur qui a appris. Bien sûr que le Seigneur l'utilise aussi beaucoup, mais chaque fois que elle rêve, oui, tout ce qu'elle voit en rêve, ça se réalise. Est-ce qu'on peut appeler ça prophétie ou quoi? Non? Parce que j'ai peur de l'esprit de divination dans tout ça. Bah, donnez un exemple. Merci. Voilà, évangéliste, vous avez écouté quelqu'un qui, elle dit à partir de ses déclarations qu'elle a une petite sœur qui est née de nouveau et tout ce qu'elle a comme songe se réalise. Oui, alors il faut aussi expliquer aux auditeurs ce soir que ce n'est pas parce qu'on rêve que quelque chose arrive et que cela arrive, que ça vient forcément. La source est-elle de Dieu? La source n'est pas de Dieu, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Dans la suite du développement, il faut que l'auditeur reste vraiment tranquille. Dans la suite du développement, nous allons dire clairement les critères pour reconnaître ce qui vient de Dieu. Et au sorti de cela, elle pourra savoir si l'esprit qui anime sa soeur ou bien son enfant vient vraiment de Dieu. Donc, lorsqu'on a un songe, cela se réalise. Ça ne veut pas nécessairement dire que cela vient de Dieu. Voilà, nous n'avons plus assez de temps. Donc, elle reste la suite de ce sujet, c'est ce vendredi. Donc, ce vendredi, on va poursuivre, on va revenir. Une autre préoccupation évangéliste. Bonjour, pasteur. Expliquez-nous pourquoi un chrétien né de nouveau ne doit pas aller aux funérailles. C'est Patrice de Tergal. Ok. D'abord, il faut réexpliquer le terme funérailles pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Oui. Parce que c'est un terme générique dont on utilise comme ça de façon péjorative. Oui. Lorsqu'on parle de funérailles, on appelle funérailles afin que les gens ne puissent pas aller en dérive. Normalement, ce ne sont pas des funérailles. Si on lit Genèse au chapitre 50, lorsque, comment il s'appelle, Joseph est décédé, il a dit qu'on devait amener les os de son père. Lorsque son père est décédé, il l'a transporté depuis l'Égypte jusqu'au pays où il a enterré. C'est tout ce processus-là qui a été appelé funérailles. Ce que la Bible dénonce, c'est que quelqu'un qui est décédé depuis, par exemple, qui a été enterré depuis, et plusieurs années plus tard, on revient encore pour pleurer la même personne. Pour lui voir un culte. Pour lui voir un culte. Alors, c'est l'association avec les morts. C'est ce que la Bible appelle. Donc, lorsqu'on parle, quand les nés de nouveau, on doit parler au funérailles, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas funérailles au sens. En fait, il faut qu'on corrige même cette appellation-là. Nous ne devons pas participer à l'esprit des morts, au culte voué aux morts. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on puisse comprendre cela. C'est au culte des morts. Je prends un exemple pour qu'on puisse bien étayer cela. Allez-y. Dans la pratique, par exemple, Bamiléké, dans ceux qui sont à l'ouest de Bamiléké, et nous voici en fin de l'année. Si vous restez à l'axe, vous allez voir combien des véhicules vont à l'axe à l'ouest pour pleurer. Certaines personnes sont rentrées des pays européens à l'extérieur pour venir dépenser des centaines de milliers de francs CFA pour voir un culte à quelqu'un qui n'ont même pas vu la naissance, c'est-à-dire qui n'ont même pas vu qu'avant leur naissance, il était déjà décédé. Et on leur dit qu'il faut aller leur pleurer. Alors, c'est une abomination du Dieu l'Éternel. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 que quand quelqu'un meurt, c'est terminé. Sa haine, sa science également est terminée. Alors, voilà pourquoi ils disent souvent aux gens qui disent, quand ils sont allés quelque part, on a dit que leur père est fâché parce qu'il pleut sur leur tête. Je leur dis, pendant qu'on y est, s'il est fâché comme ça, qu'il sorte pour construire la maison, mais qu'il quitte sous la pluie. Voilà. Donc, appelez-nous s'il vous plaît au 33 07 56 32 33 07 56 32. Ne nous appelez pas à 94 11 94 27. C'est uniquement pour les SMS. Une autre préoccupation évangéliste. Bonsoir. C'est le frère Merlin. Beaucoup d'enfants de Dieu sont contrôlés par des esprits familiers. C'est une affirmation aussi grave. Bonsoir. C'est le frère Merlin. Beaucoup d'enfants de Dieu sont contrôlés par des esprits familiers. Pour faire des prophéties, que faire quand un mariage... Voilà. Au téléphone, allô, bon après-midi. Allô? Oui, baissez le volume de votre poste récepteur. Allô? Oui, baissez le volume de votre poste récepteur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Baissez le volume, je vous en supplie. Baissez complètement le volume de votre poste récepteur. Je vous en supplie. Oui, c'est le réseau qui n'est pas bon. J'ai le retour. Je suis le frère Non-André. Allez-y, très rapidement. Je voulais simplement saluer le frère et le féliciter pour son développement. Je voulais aussi apporter un petit brin de ma participation là-dessus parce qu'il a. Les éléments qu'il a donné pour reconnaître le vrai prophète, je voulais juste ajouter que il y a aussi des éléments laissés de côté. Par exemple, il y a des hommes de Dieu, prophètes que la Bible a annoncé d'avance qu'ils devaient arriver à une génération donnée, à une catégorie de population donnée. Et il y a aussi que il y a aussi un élément qui est dans le cadre de prophète ou bien de soit de l'affirmer ou de le confirmer, il faut avoir un message prophétique et non seulement ça que pendant le temps de sa contemporanéité, c'est-à-dire le temps où il exerce son ministère, qu'il soit capable de donner des éléments indicatif pour de tendance à finir où il est en train de vivre. Ça permet de, à ce que ceux qui recevront son enseignement puissent continuer à le suivre même quand il n'est plus en vie. Donc c'est ce que je voulais ajouter au frère. Et que, en prenant seulement les petits exemples qu'il a donné, je veux dire les petits éléments de comparaison ou bien de jugement, qu'on serait tombé à côté parce qu'il y a beaucoup de frères qui se sont levés aujourd'hui, chacun s'appuyant sur la parole de Dieu pour pouvoir juger tous les serviteurs de Dieu. Parfois, on juge souvent les mêmes serviteurs dans le côté haut. Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse, vous bénisse dans la continuité. Merci. Soyez merci, bénis également. Merci, Nouna. Merci à Nouna pour cette contribution. Voilà. Je n'avais pas encore fini avec cette contribution. Oui. Vous allez certainement revenir sur d'autres parce qu'il faut reprendre très laconiquement. Nous sommes pris par le temps. Bonsoir, c'est Merlin. C'est le frère Merlin. Beaucoup d'enfants de Dieu sont contrôlés par des esprits familiers pour faire des prophéties. Que faire pour faire des prophéties? Voilà. Que faire quand un mariage est né de cette prophétie? Que faire? Divorcer ou continuer? Alors, si on est déjà engagé dans un mariage qui a été donné par prophétie directement, on est, si on est enfant de Dieu, on est appelé à se repentir et continuer tout simplement dans la paix. Donc, parce que Dieu hait le divorce. En fait, pour que chacun puisse entrer dans un mariage, il va falloir vraiment qu'on comprenne. Déjà, et je profite de cette occasion pour parler des prophéties, parce que beaucoup de prophéties, beaucoup de problèmes que ces prophéties ont créés, particulièrement dans les assemblées, concernent les mariages. Alors, j'aimerais bien avertir les auditeurs et les frères qui m'écoutent maintenant, et je crois qu'ils seront d'accord avec moi. On ne se marie pas par prophétie, on se marie par amour. C'est pas par prophétie qu'on se marie. Donc, si deux êtres qui s'aiment véritablement veulent se marier, il n'y aura qu'une confirmation de la part du Seigneur. On ne pourra pas imposer à quelqu'un que voici ton mari alors qu'il n'aime pas. Donc, l'amour est la base du mariage. Donc, si quelqu'un est lié par cet esprit esprit familier et qui prophétise que tel est le mari d'une personne et que la personne se jette aveuglément à l'intérieur, je pense pour moi pas qu'il faut que la personne se repente. Continue avec le Seigneur et demande que le Seigneur le permette, mais pas de divorce. Voilà, nous sommes pris par le temps. La réalisation ne nous permet plus de prendre les appels. Voilà. Une dernière préoccupation. Nous allons certainement revenir dans la suite de ce sujet parce que nous allons le poursuivre ce vendredi. Pasteur, c'est Léopoldine qui revient. Oui. Faudrait-il considérer comme venant de Dieu une prophétie qui prédit, puisque vous parlez de ces problèmes dans l'Assemblée, qui prédit de détruire les membres de l'Assemblée qui vivent dans le péché? Merci. Absolument pas. C'est parce que la façon de parler de la Bible. Le Nouveau Testament dit si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Et la Bible déclare que si quelqu'un, nous qui sommes spirituels, si nous voyons quelqu'un tomber dans le péché, il faut qu'on le redresse avec amour. C'est avec amour qu'on doit redresser. Donc, si quelqu'un est dans une assemblée où il y a déjà des désordres, voilà pourquoi dans le développement, si le Seigneur le permet, on va entrer en profondeur pour voir vraiment comment Satan est entré dans les assemblées pour détruire ces choses-ci. Donc, il faut que la sœur, c'est Léopoldine. Oui, Léopoldine. Il faut que la sœur Léopoldine sache que Dieu ne nous a pas appelés à la destruction. Non. Dieu nous a appelés à l'édification. Voilà pourquoi il dit que lorsque nous rassemblons, nous assemblons pour nous édifier et non pour nous détruire. Voilà. Donc, on va revenir. On invite simplement nos auditeurs à poursuivre la suite de ce sujet, donc nous allons poursuivre ce vendredi. Voilà, je vais rentrer simplement, vous allez les commenter dans la suite. Oui. Donc on est pris par le temps, la réalisation nous le signale déjà, le générique qui monte. Bonsoir, je suis marié, dit-elle, à un Bamileke et né de nouveau, précise-t-elle aussi. Mon mari est un fervent catholique, dites-moi comment faire pour fuir leurs funérailles et éviter d'être mal vu par mon mari. C'est Fatih qui vous pose cette question. Une autre préoccupation également, c'est encore Merlin. Est-ce qu'on accomplira la destinée de Dieu sur cette base? Sur quelle base? C'est lui qui venait de poser la question de savoir sur les mariages qui sont tissés à partir des prophéties. Faut-il divorcer ou continuer? Et il revient en disant, est-ce qu'on accomplit on accomplira la volonté de Dieu? Tout à l'heure, j'ai développé en disant que Dieu a la toute-puissance. Donc, Dieu peut manifester n'importe quel, déployer sa puissance pour arranger des choses que nous avons faites. Par exemple, l'apôtre Paul, croyant servir Dieu initialement, détruisait l'Église, mais ce même Paul a été intégré dans le plan de Dieu par rapport à sa vie. Donc, pour ce qui est du mariage, je reconnais vraiment que c'est vraiment difficile de savoir si la personne... C'est-à-dire que vous avez matière à faire dans la suite de ce développement. Vous allez tantôt expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on en arrive à pouvoir élaborer ou mettre sur pied une union. Voilà, c'était la première partie prise par le temps. Vous allez revenir sur ces préoccupations. Vous promettez aux auditeurs de répondre avec beaucoup plus de temps. Donc, d'entrée de jeu demain, vous allez commencer les différentes préoccupations. Voilà, par les préoccupations des auditeurs. Voilà. Le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires, c'est donc l'acte 1 de ce sujet. Quelle attitude adopter? L'évangile y reviendra sur les caractéristiques du faux ou du vrai prophète, de la divination ou de il y reviendra, il a promis, voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Madame Enfant, Patrice Merlin, frère Nouna André, Léopoldine, Fatih Merlin. Merci également à Lydie Dakwa et à Grace Tiabdato, comme à Joseph Dikouba, Bessienne et Adèle qui nous ont écoutés. Merci également à la princesse Alice qui nous écoute encore ce jour. Ce sujet n'est pas encore clos. L'épilogue, nous allons le connaître donc ce vendredi. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme au doigt d'or, Tonton Théo a assuré le côté technique. Patrick Rolbifer, ok, mon nom. Surtout, ne l'oubliez jamais. Prenez toujours l'habit du bon côté avec Jésus-Christ et évitez surtout d'aller en enfer. Que Dieu vous bénisse.